de la bière et de la Bavaria. J'peux aussi niquer ta mère, t'avant ton papa. Tu es blonde, tu es brune, même si tu vides pas les burnes. Tu m'enlives comme un tonneau, j'irai jusqu'au bout pour toi, Macron. Macron. Je la vole à Monoprix, par bac de 36. On la boit, on traque bon, la bière c'est trop bon. Tu es blonde, tu es brune, et même si tu vides pas les burnes, tu m'enlives comme un tonneau, j'irai jusqu'au bout pour toi, Macron. Macron. Donnez-moi de la bière.